Shabadabada, putain, c'est un petit peu tiré dans tous les azimuts là. C'est compliqué, on a réussi à commencer à l'heure. C'est Pyongyang City Rockers numéro 381. Merci. De rien. Merci Célio. Donc il y a Célio, il y a Gaël. Et t'as réglé ton casque, ça y est? Ouais, c'est bon. Merci. Attends, je vais monter un petit peu ton micro. Hein. Ouais, c'est mieux. Et Jamo, on sait pas ce qu'il fait là. Bah, je cherche un casque qui marche. Mais avec toi, c'est pas la peine d'avoir un casque. Hein. Non, moi je mets jamais de casque en non, fait. Non, bah je ouais, pas voilà. T'es un rebelle. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? T'as mis de belles jaquettes vertes là. Ouais, putain, t'as vu comment je suis arrivé? En fanfare. Hein. Non. Non, non, mais j'étais pressé, là, tu sais, c'était un peu compliqué. J'ai en Tesla, j'ai failli brûler la voiture. Bah, vas-y, je t'en prie. Le gars, il m'a dit, c'était juste pour le business qu'il y avait ça. Oui, c'est ça, ouais. On dit ça, c'était un Guinéen. Salut, Olivier, si tu nous écoutes. Non, c'est... Je sais plus son prénom. Bon. Je vais le sortir. Non, non, dis-le pas, dis-le pas à l'antenne, attends, tu rigoles quoi. On va pas dire que le mec du Uber, il s'appelle ainsi, son numéro de compte, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais passer? Ah oui, voilà, bon, alors, je sais pas si vous êtes au courant, il y a plein de gens qui se font jeter des États-Unis, soit parce qu'on les taxe de terrorisme ou alors d'être, faire partie de gangs, et puis même des artistes qui vont se produire dans des festivals, etc., dont par exemple UK Subs, qui ont été coffrés pendant quelques heures à l'arrivée à l'aéroport, je sais plus où, à Los Angeles. C'est Lions Law qui ont eu chaud, quoi. Voilà. Le seul qui est passé à travers, d'ailleurs, de UK Subs, bah, c'est Charlie Harper. Peut-être parce que c'est un vieux monsieur, on sait pas. Hein, donc ils ont eu peur parce que c'est une vraie star. Toujours est-il que, bon, c'est des trucs qui datent pas d'hier. Hein, ça fait déjà longtemps que les groupes punk en visite aux États-Unis peuvent avoir des petites surprises quand ils arrivent. Voici l'histoire des Shocks, les Allemands, qui allaient faire une tournée avec les Briefs au début des années 2000. Ouais. Et puis, c'était une tournée uniquement sur l'ouest des États-Unis. Et puis donc, bah, comme c'était dans ce coin-là, ils arrivaient, je pense, aussi à l'aéroport de Los Angeles. Ils n'ont pas pu passer la douane. En fait, ils se sont fait reconduire à la frontière. Ils ont dû rentrer directement nach Berlin. Moi, voilà. J'ai pas mal d'histoires de groupes comme ça, mais c'était plus souvent avec la frontière québécoise. Ouais, bah ouais. Mais là c'est carrément à l'aéroport, tu vois. Ouais, ouais. Ils ont été arrêtés, ils ont dû remplir, à mon avis, ils ont dû remplir le questionnaire où on leur demande s'ils veulent tuer le président, puis s'ils ont dit oui. Et ils ont dit oui. Et pourtant, c'était pas encore Trump. Bref, ensuite, ils en ont tiré une petite chanson, Banned from the USA par The Shocks. Quand elle fait quand je suis l'aimé dans sa scène, on est choqué de fan. La femme, c'est ton dernier. Alors, ils préfèrent être virés des USA que virés des pubs. Moi, je suis d'accord. D'accord. J'étais à deux doigts de ramener un groupe qui s'appelait Ban from the Pub. Eh ben, allez, hein, pour Jacques. Ouais, j'attends, ouais. J'attends la bio. Disons-le tout de suite, la semaine prochaine, il y aura Hélène qui présentera son dernier numéro de perspective. Le numéro 10. Numéro 10, ouais, exactement, que nous avons là entre les mains. On pourra peut-être en faire une petite pré-chronique. C'est écrit Perspective 10, février 2025, et le sommaire. On est déjà en mars. C'est Syndrome 81, bombardement, tout reporte Jodie Foster, tout reporte Short Days. Yeah. Que du bon. Voilà. Et puis en plus, c'est beau, hein, c'est bien fait. Ah ouais, c'est bien fait. C'est sérigraphié à la perfection, avec des petits rabats à l'intérieur. Enfin, on va pas tout dire, mais il est très très beau. Non, puis on va laisser Hélène en parler la semaine prochaine. Hein. Pour l'instant, c'est Célia qui voulait absolument passer Belgars. C'est ça. Belgars, c'est un nouveau groupe lillois, encore. C'est du post-punk shoegaze. On avait déjà pu entendre un de leurs morceaux sur la compile Bats for Palestine, qui est toujours pas sorti en cassette, je crois. Je sais pas, je l'attends. Et y a un membre de Caro Scuro dedans, et après les autres membres, je sais pas trop, mais c'est des Lillois. Leur EP est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes de streaming, et il sort physiquement le 15 avril chez Harakiri Records et Hidden Bay Records. Et on écoute tout de suite The Beljar de Beljars. We'll be right back. Ouais, ça chougasse bien. Hein. Ouais, ça chougasse. Ouais, il y a Rémi dedans. C'est ça. Bon. Voilà, je t'ai même pas prévenu de ce que j'allais passer, donc faut bien écouter le texte. Ok. Ok. Alors, Pipa, c'est j'bassiste de Marabouts, le premier bassiste de Lions Low. Ça, c'est son CV français. Ensuite, il s'est barré en Suède et il joue ou a joué avec Sabotage, Project 9 et Better Than You. Ça, c'est un peu plus hardcore. Et bah, Silvio, de son vrai prénom, est de retour avec un projet solo. Projet solo qu'il a appelé Cantagrel. Comme j'ai reçu les morceaux ce matin, j'ai pas trop eu le temps de lui demander pourquoi il avait appelé son projet ainsi. Entre-temps, j'ai eu la réponse. Ça sort vendredi sur le label rennais Primator Crew. Ce coup-ci, c'est moi qui te remercie, Bertel. Pyongyang City Rockers, tout de suite, une exclue française qui nous vient de Suède. Cantagrel, c'est la rue où il habitait quand il était sur Paris. Sur le 106,6, qui d'autre le fera? On se demande bien. Skål. Ça rend bien vénère la Suède. Hein. Oui, c'est le froid, tu crois. En France, je sais pas. Ouais, c'est plutôt quelqu'un d'assez posé. Bon. Ouais, en fait, il s'extériorise quand il fait de la musique. Ouais, j'ai été même étonné de savoir. C'est un projet solo, donc c'est lui qui fait tout. Waouh. Bon. Ouais, c'est cool. Salut Pipa. Allez, je vais faire une petite pub maintenant pour une vidéo que je trouve assez remarquable. C'est intitulé « L'obsession trans, pourquoi les anti-trans sont fascistes ?» L'autrice, c'est une certaine H, A-C-H-E, youtubeuse trans qui cause culture vue sous l'angle des luttes anticapitalistes, féministes, LGBT et anticoloniales, en partant de ce qui est le plus vive actuellement, c'est-à-dire l'obsession anti-trans de l'administration Trump. Elle nous décortique dans le moindre détail les mécanismes qui font que certaines personnes et certains groupes de personnes ont une obsession anti-trans qui peut mener jusqu'au meurtre les plus barbares. Il y a d'ailleurs dans la vidéo des descriptions juste données verbalement, mais et qui sont parfois un petit peu compliquées à écouter, enfin à entendre, en montrant donc ce que sont la normalité, la féminité, le viol du point de vue des anti-trans. Elle montre aussi, et c'est là la force de cette vidéo, que cette obsession est la pointe avancée du système capitaliste et des normes qu'il entend nous imposer, fût-ce au prix de l'instauration du fascisme. Cette vidéo dure 1h52, ouais, c'est pas un reel vite vu, vite oublié. Je remercie Horty qui nous écoute peut-être de m'avoir fait découvrir cette pièce essentielle. Horty, on peut le retrouver chaque premier jeudi du mois à 23h sur Campus, 106,6, émission Erotopia. Puis sinon, la vidéo, donc il suffit d'aller chercher ça sur YouTube, chercher H-A-C-H-E. Puis je pense normalement, pour l'instant, c'est la première vidéo qui va tomber sur son compte maintenant, quelque chose qui n'a strictement rien à voir, mais qui passe à Arras en quand, je ne sais plus, au début début avril, ouais, ça, le 2 avril, à la fac d'Arras, à la ruche, je sais pas, là, une espèce de petite salle là, dans la fac d'Arras. C'est Gottspeyer Shot, ils viennent de Berlin, ça fait déjà très longtemps qu'ils jouent, ce n'est pas de l'œil, et on va pouvoir les écouter tout de suite avec Introvert. Ça ressemble à ZX. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est vraiment plus ça. J'ai vu ZX à Hyperfest. Excellent. Ouais, excellent. Bien. T'as déjà vu? Oui, mais alors pas au Hyperfest. Ouais, il y a longtemps, je sais plus. Pourtant, c'est pas trop le genre de groupe. Tu te dis, je vais voir ça au Hyperfest. Hein. Au Democratie à Gand. Ils étaient sur la petite scène un peu, on va dire, qui est pas vraiment hardcore. J'ai vu Bishop's Green le même jour, tu vois. Au Hyperfest. What the fuck. C'est pas la même chose que VX, ça. Non, mais VX jouait juste après Bishop's Green. D'accord. Alors là, comment... Ah oui, ça y est. T'as trouvé. T'as trouvé ce que tu m'avais demandé de passer maintenant. Ça. Donc tu peux y aller. Je peux y aller, c'est bon. Alors, moi, je vais vous parler de 1186, ou en espagnol, je vais essayer. 1186. Parce que c'est un groupe de Bogota, c'est du post-punk death rock. Ça me fait penser un peu à du punk lillois dans le son. Il y a un son de guitare qui ressemble un peu à celui d'Utopie. Leur premier album, il s'appelle Hysteria. Il est sorti chez Drunken Sailor Records. Et il est disponible en France chez La France Pu ou encore Born Bad Records. Pardon. On écoute tout de suite Rabia de 1186. Bordel, hein. Non, ça passera là, après. Là, bonjour, là. Mon cher Gaël, comment allez-vous? Oyez, mes gens. La reine Jody is back avec un nouvel album qui va s'appeler Saint-Lundi. Moi, j'aime pas le lundi. J'ai sur moi trois de ses nouveaux morceaux. Celui du dernier clip de Jody Faster, un que le groupe joue déjà depuis un certain temps en live, mais inédit quand même en quelque sorte, et un inédit total qui donne son nom à l'album. Donc, plus besoin de présenter le groupe qui joue le plus vite en France. Si, si, ça joue plus vite que Youth Avoiders. Donc, on écoute quoi, c'est Lillois, ça. Hein, on écoute quoi? On écoute le morceau du clip, ouais. Le morceau qui joue en live ou un total inédit? Moi, je suis pour ça. Non, on commence par le morceau du clip parce que c'est ça que j'ai mis en premier. Le morceau du clip. Donc, on garde les exclus pour nous et on vous... Bah, tu peux mettre deux morceaux, sinon ça va aller vite, hein. Allez, bedtime for diplomacy, et puis on désannoncera la deuxième juste après. Oi! Oh, yeah. Oui, voilà, c'est Ed Mucci, c'est un, je crois qu'il est en solo maintenant. C'est vieux, ça, Ed Mucci. Oui, ben exactement, ouais, tu te souviens, c'est, au début des années 2000, ils avaient envoyé façon puce à tout le monde en France, leur album. Je crois que maintenant, le gars, il doit être tout seul ou quasiment, et puis il fait ce titre-là, Départemental Rock, c'est le premier extrait d'un album qui sort là, ces jours-ci. Ça vient de Lyon, et puis bah, voilà, Départemental Rock, parce que nous, on est tous sur la Départementale du Rock, on n'ira jamais sur l'autoroute, parce que sinon on se ferait écraser. Ah, et, voilà. Et puis pour ceux qui veulent se vanter en disant « Ouais, moi j'ai entendu un nouveau morceau de Jody Foster », le deuxième qu'on a écouté, c'était « Saint Lundi », celui qui donne le nom à l'album qui sort bientôt. Il sort vendredi, je crois. T'es au courant, vendredi. Ah bah voilà, vendredi. On a eu chaud pour les exclus. Et premier concert où ils vont les vendre, c'est à Paris avec Arkel le 1er avril. Et sinon, il y a la release party le 12 avril. Bah voilà, merci Célia pour ces infos. T'es au courant, Célia? Bah ouais. Il y en a un aussi qui est au courant. Il attend son heure, il piaffe. Ouais, car il est 20h31 déjà. Ouais. 32. Aujourd'hui, j'ai pas trop bossé, donc j'ai qu'un titre. Et non, mais c'est... si, maintenant, t'as un vrai boulot d'artiste majuscule. Donc tu peux pas aussi te consacrer à une émission de radio, quoi. Moi je comprends. Si. Ouais. Mais c'est parce que là j'ai trop fait nappe. Alors c'est bref. Faut le dire. Viagra Boys. Ils vont bien. Bah ils vont bien. Ils sortent un album bientôt. Voilà. Et là l'album c'est Cave World. C'est sorti en 2022. Et la chanson c'est Troglodyte. Ouais. C'est nous ça aussi. Ouais. Quand on est plus sur la départementale, on va dans les cavernes. Et voilà. Viagra Boys. Yes. Face, but things they would play Et voilà, c'est marrant, j'avais jamais vu cette vidéo en pâte à mâcher là. On dirait c'est les. Bien foutu. On dirait les premiers Wallace et Gromit. Tu vas arrêter de parler toute seule là. On est à l'antenne là, madame. Je suis désolée. Non mais attends, tu ferais mieux de. Tu sais, Val, tu ferais mieux de venir avec de la musique. Hein. Mais d'accord, je travaille, moi, monsieur. Ah bah voilà. C'est toi qui relève le pays. Bon. Bref, Viagra Boys. Ça va, Célia, c'est à toi, ouais. Parce que tu avais un truc à passer, là. Ah oui, alors je vais faire une petite pub. Ouais, demain, il y a un concert au CCL avec Précipice, qui vient de Nantes, MIT, The Male Idiot Theory, et Chart Division de Lille, c'est leur premier concert. Chart Division, c'est ouais. Un nouveau groupe, ça? C'est ça. Ah bon? Il y a qui dedans? Il y a des gens que tu connais, je pense. Bon, d'accord. Bah, donc, tout le monde sera là pour vous encourager. Enfin, pour les encourager. C'est ça. Du coup, je reviens à mon habitude à passer des morceaux de moins de 2 minutes. Hein. On va écouter deux morceaux de Précipice. Précipice, c'est du punk hardcore nantais. Ils ont une démo cassette avec 4 titres qui est disponible chez Urticaria Records. Elle est vieille, la démo, d'ailleurs, elle date de 2022 ou 2021, un truc comme ça. J'ai pas noté, ouais, mais oui, il me semble que c'est un truc comme ça. Mais c'est bien. C'est bien. Et d'ailleurs, il passe aussi à Tournai. Ouais. Le 31 prochain. Mars, ouais, c'est ça. Lundi à 20h chez Ask a Punk. Donc, vous débarquez à Tournai, puis dès que vous voyez des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais qui ont l'air d'aller vers un concert hard punk, vous leur demandez, ça sera là. C'est un Secret Basement Show. Voilà. Voilà. Donc, on écoute tout de suite. One customary behavior in one particular situation et circus de Précipice. Boom. We'll be right back. là précipice trop bien. Faut aller au CCL demain soir, à 4 rue de Colmar, à Oisem, Métropole des Postes. J'ai oublié de rajouter, mais il y a un groupe qui s'est rajouté en plus, c'est Whirlpool, mais avec des X à la place des voyelles. Du coup, un peu imprononçable, si on veut essayer. Ouais, bah si, on dit Whirlpool. Et ceux qui les rateraient demain pourront encore les voir vendredi, à Courtrai, au Pizza, en compagnie du Crabe, Whirlpool. Voilà. Ok. Vous allez bien? T'as retrouvé ton téléphone, monsieur? Ça va, ça va. T'as couru pour venir. Le split qui va arriver entre le groupe hollando-anglais Armistice et les Montréalais de l'Ultra Razia va s'arracher. Ça, c'est sûr. Une fois de plus, Primator Crew tape dans le mille avec deux groupes qui, quand ils sortent quelque chose, eh ben, ils font pas à moitié. Aujourd'hui, je vais vous passer un morceau en exclusivité des Québécois. Faut que je prenne ma respiration, Ultra Razia. Pourquoi? Parce qu'ils ont foutu du sax dedans. Ouais, bien. Et si je dis pas de conneries, c'est une première pour le groupe. Donc je vous propose tout de suite le morceau Sans Repère. Ça sort dans quelques semaines, le 11 avril, sur Primator Crew. Radio Campus Lille, campuslille.com, tout de suite, Ultra Fucking Razia dans ton PCR. Calice. Ça. Et ils auraient peut-être même pu remettre encore un petit peu plus en avant le sax. Le sax, ouais. Mais, mais ça rend bien. Il y a des parties où il est en arrière et il y a des parties où il. Ouais, franchement. Tidy Rock, c'est bien. C'est un split quand il sortira donc, le 11 avril chez Primator. Sautez dessus parce que je suis pas sûr que ça va rester longtemps. Il y a Manu derrière le vide qui fait il fait les pouces. Ouais. T'es pas sur Facebook ici. Hein. Encore merci Bertel. Bon, il y a pas de saxo dans ce que je vais vous passer maintenant, mais plutôt du throat singing, c'est-à-dire qu'il chante avec la gorge. Gutturalement. Non, c'est même pas ça. C'est vraiment un son qui sort uniquement de la gorge, quasiment sans les cordes vocales. C'est un vrai bordel, quoi. C'est un truc spécial des. Guttural, ça veut dire ça, non? Tu viens de la gorge. Ouais, peut-être. Oui, c'est bravo. Ça. Ouais, il est bien. Il est bien, je te vois. Voilà. Et donc, c'est un truc spécial des Mongols. Hein. Il n'y a quasiment que eux qui savent vraiment faire ça dans le monde. Ils viennent du Touva, ces gens de Yatka. Le Touva, c'est un petit morceau de la Mongolie qui a été absorbé par la Russie. Ils en ont fait une république autonome. Il y a encore là-bas tout un tas de trucs traditionnels, dont du chamanisme, des animistes et tout le bordel, et bien sûr toutes ces traditions musicales que le monde entier a leur envie, dont le throat singing, et puis aussi le chant diphonique. Tu vois, là, ce truc, c'est pas le faire non plus. Ouais. Non, ça, c'est la on a une bonne visualisation. Et bref, les voici avec un truc. J'ai même pas réussi à trouver qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, parce que déjà ils mettent pas les traductions en anglais. Et en puis français. Que Google Trad a ses limites. Et ouais, alors que dans. T'as cherché mongolien, ça marche pas. Non, tout va. Il y a cette langue-là dans le truc de Google Trad. Il veut pas me le traduire. Donc c'est peut-être des insultes, je sais pas. Merde à celui qui le lira. En tout cas, en tout va, ça se dit Karangalik Karaova. Et on va pouvoir écouter ce chant de gorge guttural, donc, par Yatka. Oh, c'est bien, c'est que vous avez déjà un aperçu de ce qui va passer juste après. C'est quand on ouvre le frigo, il n'y a plus personne qui est dans le studio, c'est le bordel. Qu'est-ce que vous voulez? Il est 20h50, vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 381 et il nous reste encore 10 minutes à passer en votre compagnie. Pour nous. Ah bref, voilà. Du coup, ce qu'on va écouter juste après, ça s'appelle PH People. J'ai trouvé ce groupe en me baladant sur le label Urticaria Records. D'accord. Bah oui. Et donc je suis tombée sur leur démo cassette. C'est un groupe de punk hardcore de Newcastle. La démo cassette, elle est sortie en 2022. J'ai pas trouvé plus d'infos que ça sur ce groupe. Je pense qu'il n'existe plus ou je sais pas. Et donc on écoute tout de suite I'm a Scab et Torso de PH People. Très bien cette affaire. Ouais. Ouais, bah, je vais regarder aussi sur ce label. Comment ça s'appelle déjà? Urticaria Records. Ouais, il y a plein de, c'est plein de démo cassettes en général, mais c'est cool. Youpi. Bah et puis comme ça demain on verra les gens de Précipice et puis peut-être ils nous en diront du bien, on va savoir. Sûrement. Oui. Allez, un dernier morceau pour moi de The Mercenaries, qui est un groupe de punk rock à la rancide formé en 2014 en banlieue parisienne dans le 9-3. Le groupe tape dans un ska, punk, ska rock steady. Il est composé de Loki, chant guitare, de Badness au chant, de Joe Robin au clavier, de Matt Phil à la batterie et de GG à la basse. Leur premier EP, Longway, est sorti en 2014, suivi de l'album Rocky Road 2 ans après, en 2016. Tim Armstrong, le leader de Rancid, a diffusé un morceau de l'album dans son émission de radio. Consécration. Pyongyang Rockers l'avait fait aussi. City. En 2023, The Mercenaries ont sorti un EP 4 titres intitulé Fight Back et vont pas tarder à sortir un album 13 titres. J'ai avec moi le morceau promo Take It to the Streets, qui a le droit à son clip et qui est dispo sur la page Facebook du groupe. On écoute ça expressément dans ton PCR. The Mercenaries, oi. We'll be right back. runs longer, thus is the war. Can't use faith, intersection is wrong. Every 6 seconds, an animal dies. You can fool the public with your lies. The name of science, what a fucking con. You can't fool me, I know what's going on. Murder is murder, life is life. C'était le quiz de fin, en effet, ça date du début des années 80, Revulsion avec Living Hell. Je le repasserai parce que j'ai un baratin à faire là-dessus. Mais pour l'instant, c'est la fin de Pyongyang City Rockers 381. Merci d'être venu. Ils peuvent donner la main aux Shocks, qui peuvent passer tout à l'heure. Ouais, absolument, c'est pour ça. Hein, ça démarre et ça finit de la même façon. On rappelle que la semaine prochaine, on reçoit Hélène qui vient présenter son 10e numéro de son fanzine Perspective. Je tiens dans mes mains là, vous voyez. Ouais, c'est bon, il n'y a pas encore de caméra ici. Et pareil, hein, que Ultra Radia, dépêchez-vous à le choper parce que 106 exemplaires. 101. 101. Ouais. Bon, elle va refaire après. Je crois pas. Vous n'oubliez pas d'écouter les émissions qui viennent juste après, donc Teeth Grinder dans moins d'une minute maintenant. Ensuite, il y aura Nico avec B-Boy Bouillabaisse. Ensuite, tous les autres programmes de Radio Campus sur 106,6 et même les autres radios libres de la métropole lilloise, RCV, Boomerang et tout le bordel, quoi. Ouais. Et JD passe nous faire un coucou, un de ces quatre. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on l'annonce et. 20 secondes. Il ne paye même pas de coup. Bon, et on n'oublie pas. A cab. A cab. Radio Campus Lille, 21h.